Bon, vous me dites, hein, moi je suis prêt à faire votre disque, c'est quand vous voulez. Ah non, mais vas-y, installe-toi, c'est bon, installe-toi. Attends, deux secondes là. C'est quoi cette odeur? Ah, je sais pas, moi je sens rien. Alors on y va. Y'a un animal mort ou quoi? Ça sent fort dans le studio là. Ah, mais quand même, t'es venu en jogging ou quoi? T'aurais pu prendre le bus, non? Bon, justement, ce que je vais rapper, ça parle un peu de ça. Ça parle de problèmes d'odeur de corporel à soi-même. Je vais te montrer comment on fait du rap. T'as juste à bouger les mains, un peu comme le pape. Tu choques des mots qui riment dans un dico. Tu mets un beat dessus et ça donne ta démo. Ce matin, je suis claqué, bloqué dans mon clic-clac. Je suis dans la glu, c'est super glauque, je me mets des claques. Mais à force de me claquer, je chope des cloques. Et quand je les perds, ça fait cloque, cloque, cloque. D'un coup, ça fait des flips tout au fond de mon slope. Si je veux garder mon slip, faut que je trouve une flaque de flotte. Pas la peine que je flippe, j'ai du tac, ça fera pas de flop. Après, au fond de la flaque, ça fera pas. Flock, flock, flock. Qu'est-ce que ça sent? Dis-moi, qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Dis-moi, qu'est-ce que ça sent? Et là, tu sens là? Bah non, je sens pas. Alors, écoute ça. Lève les bras et mets du nata. Ça pue, ça fouette et ça s'en va pas. Ça vient des auréoles que j'ai sous les bras. Lève les bras et mets du nata. Ça pue, ça fouette et ça s'en va pas. Des auréoles que j'ai sous les bras. Mais moi je m'en fous et je rappe jusqu'au bout. Je donne tout ce que j'ai même si je transpire beaucoup. Eh oui, quand je chante en rap, je brûle les calories. Je transpire comme une bête de midi à minuit. Je sens la semelle des pieds à la tête. J'ai du maroilles sur la stouquette et du coup je sens le fennec. J'ai les arpions qui fouettent, j'ai la laine d'un mouton et le caleçon qui sent pas bon, bon, bon. Vas-y, je me tape une impro, tant pis si c'est un beat. Bébé, moi je déballe tout ce que j'ai dans le bid. Bali, ballot, balai, c'est des ballots. Tu bats la babelle en boulotant du Babybel sur une bobine débile. Du beau bébel, mais bon, si t'es débile, tu vas buller sur boule et bille. C'est pas vraiment de la balle, mais bon, ça fout les boules. C'est moins bad que Babel, mais bien mieux que Kaboul. Les boules. Lève les bras et mets du nata. Ça pue, ça fouette et ça s'en va pas. Ça vient des auréoles que j'ai sous les bras. Lève les bras et mets du nata. Ça pue, ça fouette et ça s'en va pas. Ça vient des auréoles que j'ai sous les bras. Quand je regarde tous ceux qui passent autour, dès qu'ils arrivent vers moi, ils font tous demi-tour. C'est là que je me dis que je devrais faire un effort, me mettre du déo pour que ça sente moins fort. Alors peut-être un jour je vais rencontrer l'amour. Si je me dépêche, je vais même passer chez Carrefour. Dès lors, plus besoin de rapper pour rencontrer des filles. Demain, j'aurai les sous-bras qui sentent la vanille. Lève les bras et mets du nata. Ça pue, ça fouette et ça s'en va pas. Ça vient des auréoles que j'ai sous les bras. Lève les bras. Ça pue, ça fouette et ça s'en va pas. Ça vient des auréoles que j'ai sous les bras.